Marie-Josée. Béatrice. La première question pour se mettre en route, c'est juste que tu nous dises ton nom, où est-ce que tu te trouves en ce moment, dans quel pays, et si tu en as envie, dommage. Donc, je m'appelle Marie-Josée de Aguillard. J'habite à Vincennes, en Île-de-France. Et là, je suis à Vincennes dans mon bureau. Voilà, parce que j'ai une journée en visio. Et mon âge, 63 ans. J'allais hésiter, j'ai 63 ans. Comment est-ce que tu vis ton genre? Une grande question, ça. Comment je vis mon genre, mon féminin, Est-ce que masculin? ça joue dans ton travail? Est-ce que ça joue dans ta vie? Pas du tout, enfin. Oui. Mon genre, j'ai plutôt un féminin qui a beaucoup été dans la séduction. Et qui, par une recherche plus intérieure, m'a amené à sortir de ce rapport à l'autre, qui parfois continue à perdurer, je trouve. C'est un féminin, j'avais une représentation d'un féminin se devait de séduire l'autre, de ce rapport. C'est ça que je pourrais dire sur la question du féminin. Je crois que je suis vraiment dans une quête d'équilibrer ma dimension féminine et masculine plus intègre, justement moins dans la séduction. Peut-être que cet aspect masculin m'aide à, chez moi, que je reconnais, m'aide à sortir de cette dimension de soit jolie, soit agréable, soit sympathique, soit séduisante. Oui, tout à fait. M'aide à sortir de ça. Comme si je mettais le masculin dans. C'est curieux d'ailleurs de le dire comme ça, mais plus intérieur, moins à devoir séduire, enfin, moins à devoir être disponible à l'autre. Représentation du féminin, un peu comme ça. Ouais. Toujours avec du rouge à lèvres, bien L'autorisation apprécié. d'être. Pardon? Je dis toujours avec du rouge à lèvres bien apprêté. D'ailleurs, j'ai mis du rouge à lèvres pour notre rendez-vous. Il n'y a pas qu'avec les hommes. Mais Hein, oui, c'est ça. il n'y a pas qu'avec les hommes, il y a avec les femmes aussi. Pense à ma mère, justement, qui était beaucoup cette dimension-là aussi, pas que, mais dans cette dimension d'un féminin toujours bien apprêté. Ça me touche d'en parler comme ça. Parle ta mère, ça me fait penser aux gens qui t'ont entouré dans ta vie. Est-ce qu'il y en a qui ont eu une influence sur toi? Quelles sont les personnes qui ont eu une influence sur ta vie, sur toi? Ma mère, c'est sûr. Ma mère était une femme avec une personnalité forte, en présence. Elle était bien là, présente, tout ce qu'elle était. Je pense que ça a été un sacré repère pour moi. Pas toujours facile. Pas toujours facile pour me différencier, pour me trouver où moi j'étais exactement, mais néanmoins elle m'indiquait un chemin qui me semblait assez intéressant, assez très vivant, passionné. Je suis d'origine espagnole entre autres, et ma mère était espagnole et donc bien en couleur. Après, J'ai un frère musicien, justement. Mon frère aîné aussi, avec qui j'ai beaucoup, beaucoup eu un dialogue autour de la littérature, de la musique. Ils sont très artistiques et intellectuels. Et puis, j'ai continué ce chemin-là, d'ailleurs, avant d'être psychothérapeute. Je me suis beaucoup intéressée aux arts. Donc, j'ai eu une relation avec un homme qui avait une galerie de peinture, donc qui m'a appris ce qu'était l'art pictural. Il y a beaucoup de monde, Béatrice, m'ont inspiré, des thérapeutes, des formateurs, enfin, j'ai toujours eu sur mon chemin je pourrais pas dire des guides, mais des repères. Oui, vraiment, je pense à beaucoup de gens là, tout d'un coup. En littérature, en. Des gens qui m'ont fait me sentir vivante, en fait. J'aime les gens qui éveillent mes émotions, mes passions. Donc, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ouais, j'étais vraiment, je suis chanceuse, ouais, il y en a beaucoup. Je ne pense pas avoir été, par contre, fanatique. Ouais, Ah. je pense aux adolescents qui mettaient des posters, dans leur chambre, etc. Ça, c'est pas trop. Plutôt, ouais, des guides, je dirais plutôt des guides, des inspirations. Voilà. Des inspirations, des fanatisations, plutôt des inspirations. Une respiration, je vais où ça m'inspire. Et puis quand je me sens trop envahie par cette inspiration, c'est en te le disant d'ailleurs que je me sépare en fait. Et je repars ailleurs. J'ai à un moment donné, je me culpabilisais un petit peu d'avoir ce mouvement, d'aller dans l'inspire et puis comme une danse, hein, de partir. Je me souviens qu'une psychothérapeute m'avait dit, mais vous êtes moi je suis complètement étrangère puisque ma mère est espagnole, mon père est portugaise, mon père est portugais et d'origine suisse-allemande. Je n'ai pas grand-chose de français en fin de compte. Et elle me disait, mais vous êtes issu du voyage, vous êtes issu du monde. Et ça m'a calmée dans ma culpabilisation. Je me suis dit, en fait, oui, je suis en mouvement. Je viens. J'aime ce mouvement. J'ai horreur d'être. En ce moment, c'est un peu particulier d'être confinée, coincée, d'avoir un sentiment d'emprise. Du côté nomade. J'aime ce côté nomade, oui. J'aime ce côté absolument. De n'appartenir à personne ni à rien. Ça m'a valu comment dirais-je? Mon environnement, pas toujours compris, saisi, peut-être quelques rejets par moment. Mais je crois que j'ai pu néanmoins, dans ce nomadisme, maintenir les liens essentiels. Mes liens essentiels. Voilà, j'arrive, je crois, à être fidèle dans mon infidélité. Je pourrais dire comme ça, fait. Non. Ça me coûte quand même, je dois avouer, à une certaine solitude. quand même. Je pourrais dire ça, que ça m'oblige à faire des choix et qui peuvent m'amener à parfois une certaine solitude. C'est le prix à payer pour la liberté. C'est ça, exactement. C'est le prix à payer pour ma liberté. Exactement ça. Et je sens en te le disant que c'est le prix que je suis prête à payer, en fait. Donc merci, Béatrice. Quand je dis ça, c'est que je sens vraiment que ça, c'est intrinsèque à moi, en fait. Ça ne peut pas être autrement. Aujourd'hui, c'est ce que je pourrais dire. Ça ne peut pas être autrement. Tu es en train de glisser vers cette question, du coup, je te la pose maintenant, parce qu'on est sur ce fil-là qui est vraiment, qui es-tu, voilà. Qui es-tu en tant que personne? Quelles sont tes passions, tes valeurs, tes intérêts? Tu commences à parler de cette partie nomade en toi. Hein? Qui je suis Je suis une femme en quête de se rapprocher au plus que je peux de mon intégrité, je dirais ça comme ça, de qui je suis. Aujourd'hui, j'ai 63 ans, je me sens tout à fait en accord avec qui je suis. Et mon chemin n'est pas terminé, je l'espère, dans cette quête. D'ailleurs que je construis, je travaille avec les autres. C'est vraiment dans mes accompagnements, dans mes rencontres, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Je continue à creuser en moi, j'aime bien ce mot de creuser. Oui, je crois que j'aime creuser. J'aime l'art pour ça. Je trouve que la dimension artistique, la création nous convoque à être au plus près de soi. En fait, ce qui m'intéresse d'être au plus près de moi, c'est pas tant, c'est pas tant moi, j'ai envie de le dire comme ça, mais plutôt par l'essentiel que ça me fait contacter, et du coup dans mon rapport à l'autre et à la vie aussi. C'est-à-dire de comme l'art, en fait, c'est tellement splendide. À quoi que je dis ça. Que je trouve que c'est ce serait vraiment passé à côté de quelque chose qui honore la vie, en fait. C'est ça, c'est plutôt ça. C'est vraiment honorer la vie que d'être dans ce chemin-là, et honorer aussi mon rapport à l'autre. Donc je pourrais dire que j'ai cette quête, et de plus en plus j'ai pas toujours été comme ça, puisque j'étais beaucoup dans la séduction, notamment jeune, 20 ans, enfin adolescente, 20 ans, 30 ans. Hein. J'ai beaucoup été sur l'image, en fait, sur le rapport à l'autre dans l'image. Et je me suis perdue, je me suis très éloignée de moi à ce moment-là. Ce qui m'a valu ma rencontre avec la gestalt-thérapie. Eh bien, tu arrives, voilà, c'est super, tu arrives avec la question qui venait ensuite, c'est comment tu es arrivé avec la... Telle co-construction. Ah oui, c'est super. Comment tu es arrivé à la gestalt? Eh bien, je m'en souviendrai toujours. Pour la énième fois, je devais répéter une belle gestalt inachevée, je pense, en tous les cas, une impasse dans une relation amoureuse. Et donc, je vais voir une amie un matin avec des croissants et un café. Je lui dis ça va pas, je répète tout le temps les mêmes choses, je tombe toujours sur les mêmes hommes, ça c'est pas du tout possible. Ça doit s'arrêter. Et elle me dit, écoute, moi j'ai une cousine qui est super et qui est gestalt-thérapeute. D'ailleurs, je me demande si je peux la nommer cette femme, parce que moi aussi, c'est aussi un sacré repère pour moi. Donc, c'est Claudia Goulet. Ouais. Et donc, elle me dit, va voir ma cousine, elle va t'aider. Et c'est comme ça que je suis arrivée à. Voilà, donc j'ai été accompagnée par Claudia, et puis après, on a cheminé autrement ensemble. On continue d'ailleurs. Donc voilà comment je suis arrivée, grâce à un chagrin d'amour, je suis arrivée à À la Gestalt. la Gestalt. Donc, tu n'étais pas du tout, tu n'avais pas fait une formation de thérapeute. Tu as d'abord été patiente, en fait, avant de Absolument, devenir absolument. thérapeute. C'est ce qui. Tu l'as expérimenté pour toi, puis ensuite, ça t'a donné le goût. C'est ça qui s'est passé? Absolument, absolument, oui, à la suite de ma thérapie individuelle, En fait, c'est ma thérapeute qui m'a dit, mais ça ne t'intéresserait pas d'être, moi je te verrais bien à cet endroit-là. À l'époque, je faisais de la production de spectacles, justement de spectacles vivants. Merci. Voilà, je travaillais d'ailleurs pour et avec Philippe Cobert pendant un certain nombre d'années. D'accord. Mais oui. Et donc, oui, pendant longtemps. Je pense aussi que c'est peut-être aussi ce qui m'a donné envie aussi de m'interroger sur moi. C'était d'une part, qu'est-ce qui faisait que j'accompagnais les artistes? Je trouvais ça curieux. Et parfois, je trouvais qu'il y avait un décalage énorme entre leur quotidien et ce qu'ils étaient sur scène. Et je me suis demandé en quoi ça parlait de moi, ce décalage, entre cet apparaître et le quotidien dans lequel j'accompagnais souvent beaucoup d'artistes, j'accompagnais beaucoup d'artistes, qui était un gap énorme entre ce qu'ils étaient et parfois ce qu'ils étaient dans leur quotidien. Donc je me suis demandé où est-ce qu'était mon gap à moi, en fait. Je reviens à ce que je te disais, entre le paraître et l'être, il y avait un sacré gap de mon côté. Voilà, ce qui, moi, m'amène souvent à ces questions, est-ce qu'on est semblable à son œuvre ou pas, hein? Il y a eu tout un discours autour de ça il y a quelques années. Voilà, donc c'est comme ça aussi, je pense que j'avais besoin d'aller chercher cette question-là. Donc voilà comment j'ai connu la Gestalt. Et puis après, j'ai pensé que continuer ce chemin m'amènerait à peut-être m'apporterait des réponses sur cette question entre ce que l'on montre, ce que l'on paraît et ce que l'on est intrinsèquement. Il y a tout un écart, un chemin. C'est d'ailleurs beaucoup les questions qui m'amène en ce moment dans mon travail autour, dans mes recherches autour de la phénoménologie existentielle. Qu'est-ce qu'être un homme? Est-ce que j'existe dans la volonté de montrer quelque chose de moi ou être ce que je suis dans mon intégrité, si tant est qu'on arrive à la contacter un jour? Il y a peut-être ce que tu disais, le rapport à l'art, et cette prise directe avec soi, je pense à l'art brut, à cette spontanéité qu'ont les enfants, ce rapport Absolument. direct entre cette source et l'expression de soi à travers le vecteur de l'art. Oui, tout à fait. Je pense que l'artiste arrive à toucher cette dimension à un moment donné, cet éclair. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Henri Malvinet qui dit l'art est l'éclair de l'être. Oui. Oui, c'est fugitif, c'est pas quelque chose qu'on peut garder. Exactement. Ça Quand rejoint on ton le touche. idée. Pardon? Je dis quand on le touche. Oui. C'est la grâce, quoi. C'est Oui, c'est ça. peut-être le Vitu, j'imagine, non, quand tu chantes. Oui, là où je suis d'accord avec toi dans cette quête de l'être, c'est qu'il y a quelque chose qui surgit de soi, qui est qu'on ne connaît pas. Et je crois que d'être dans cette rencontre avec soi-même, qui est fugitive, qui est impalpable, qui est puisqu'elle est dans la vie, porte en soi une grâce, une envie de vivre, enfin une joie, mais c'est fugitif, effectivement. Oui, Et du et coup, ça je. te porte vers l'autre, vers le monde. Oui. C'est intéressant ton chemin de nomade, tu vois, je t'imagine nomade sur ce chemin initiatique avec ce Graal qui est chercher ces moments de rencontre absolue où il n'y a plus de. C'est juste, oui, de l'être en soi pour soi et puis de l'être à l'occasion de l'autre dans cette rencontre. Absolument. Je trouve que la Gestalt, moi, m'a apporté en même temps cette question de l'être, je dis en même temps, mais dans une dimension incarnée, c'est-à-dire en relation avec les autres. Enfin, j'ai parlé de solitude, mais parce que le chemin, parfois, est solitaire, mais je me sens très entourée, enfin, je suis très entourée. C'est vraiment avec l'autre que j'ai envie C'est oui, c'est la rencontre avec l'autre qui m'intéresse. Penses-tu que ce soit une spécificité de la Gestalt, de ce que, est-ce que, quels sont pour toi les axes importants de la Gestalt, ce qui te parle à toi, ce que tu utilises? Tu as parlé donc de la phénoménologie existentielle, il y a cette dimension de l'autre, de la rencontre, du contact dont tu as parlé, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ta façon à toi de vivre la Gestalt et ce qui est important pour toi dans la Gestalt? Moi, ce qui m'intéresse dans la Gestalt est de plus en plus, d'ailleurs, c'est une dimension qui me manquait un petit peu, c'est-à-dire qu'on évoquait beaucoup le awareness comme un outil enfin, comme un outil, comme une prédisposition à pouvoir se faire l'écho de l'autre. Mais je trouvais que ça mettait néanmoins le thérapeute dans une certaine distance par rapport à sa relation avec l'autre. Et la phénoménologie existentielle, tout ce travail du Searle, ce d'Heidegger, tout Amal Guinée aussi pour un petit peu plus contemporain, même s'il était vieux lorsqu'il est décédé, m'amène à comprendre qu'en fin de compte, le thérapeute a à s'exposer beaucoup plus, c'est-à-dire à s'engager, c'est-à-dire à éprouver et à s'éprouver pour ouvrir quelque chose chez l'autre. Ce n'est pas tant de dire je ressens ça et toi tu ressens ça, mais c'est de descendre en soi, c'est-à-dire d'être pleinement dans l'incarnation de ce qui résonne pour que quelque chose puisse s'ouvrir chez l'autre. Ça, je crois beaucoup à ça. Je sens que ça m'excite beaucoup. C'est comme si j'avais trouvé une porte là essentielle. Et je dis, c'est comme si ce que je trouve que je m'y engage de plus en plus. Et c'est pas si vieux que ça, en fait. D'abord parce que je crois que je ne m'autorisais pas, même si je chantais, je dis bon, l'awareness, ok, je sens et je dis ce que je chante, mais ça me semble pas. Et moi, qu'est-ce que j'y vais là ou j'y vais pas? J'ai retrouvé mon chemin de nomade et je me suis dit, bon, moi, je vais essayer de faire un peu autrement et d'aller un peu plus en moi pour que quelque chose s'ouvre chez l'autre. Je vais m'exposer encore plus. En fait, c'est ça, j'aime m'exposer, j'aime dans le sens de pas me montrer, mais de m'ouvrir, de m'ouvrir au monde. Je le souhaite que quelque chose puisse se passer, puisque cet éclair, que l'éclair, que te disais, le surgissement puisse se donner. Ça. Et donc j'essaie de cela dans mon travail de thérapeute et puis dans mes accompagnements et puis dans ma vie quand je peux. C'est un peu plus difficile dans ma vie personnelle, je trouve, en ce moment. Je suis un peu plus pris par le quotidien. Bon, puis tout le monde n'a pas envie d'y aller dans ces surgissements. Voilà, et dans la vie, il n'y a pas forcément le cadre pour pouvoir avoir cette espèce de protection, donc ce mélange de protection et d'engagement en même temps hein, qui est Tout à fait. très ciblé. Et du coup, oui, les risques sont différents. En tout cas, l'exposition, le risque de s'exposer n'est pas le même. N'est pas le Et il même, n'y a pas absolument. forcément une but, l'intention n'est pas non forcément la même, à part cette quête de soi, comme tu dis. L'authenticité dans la relation, Oui, tout à fait. Peut-être en te le disant, aussi en te partageant, peut-être que j'y vais un petit peu plus dans cette sécurité dans le cadre professionnel que dans le cadre personnel. C'est un petit ouais. peu plus délicat. Parce que dans le cadre professionnel, d'abord parce que je sais que les gens qui viennent travailler avec moi cherchent ça de plus en plus aussi chez moi, aussi en thérapie. Donc je sais qu'ils sont à cet endroit-là, enfin ils cherchent quelque chose à cet endroit dans ma vie personnelle. Bon, tout le monde n'est pas forcément, ou des fois moi je me dis, est-ce qu'ils cherchent ça? Est-ce qu'elles cherchent ça? Je suis pas sûre. C'est plus délicat. Oui, on n'est pas forcément au même niveau d'engagement, ni dans les circonstances, ni dans les situations, pour pouvoir faire ça. C'est le principe de l'intimité. Exactement, Quand on a. oui. Et ça me fait penser aux situations que tu as pu rencontrer dans ta vie personnelle. Est-ce que tu me parles de ces polarités que tu as pu avoir? Tu dis tout autrement, Oui. hein, la première polarité qui est vraiment de donner à voir quelque chose, et puis cette polarité d'aller chercher à l'intérieur et d'être moins dans l'objet du regard de l'autre, mais plus centré avec toi et ta connaissance de toi et ta résonance. Et du coup, je pensais, est-ce qu'il y a des situations auxquelles tu as dû faire appel? À tes ressources, celles que tu as pu découvrir au long de ton cheminement, si tu as vraiment qui ont été un défi, qui t'ont demandé ouais, d'aller chercher de la ressource, dont tu peux parler ici, évidemment. Oui, oui, j'ai envie d'évoquer, enfin d'évoquer, plus que d'évoquer, d'ailleurs de partager. J'ai un enfant métis, qui est d'origine, donc son papa est du Cameroun. Pour moi, c'était un vrai défi cette rencontre avec cet homme africain de couleur noire. Je le dis parce que cette différence que je ne montrais pas à l'époque, que j'étais dans le paraître, cette différence avec ma famille. Donc, qui n'était pas du tout à l'endroit ma fille pourrait rencontrer un homme africain et de plus est avoir un enfant avec lui, pour des Portugais qui ont colonisé le Cameroun. Ça, pour moi, ça a été un sacré défi, c'est-à-dire je prenais le risque de me mettre à dos toute ma famille, y compris la famille du Portugal. Parce que moi, j'avais pendant mon enfance entendu des choses terribles sur les Africains par les Portugais. Et donc, ça a été un grand défi, d'une part la rencontre en un premier temps, et donc de présenter cet homme à ma famille, et de plus est d'avoir, d'affirmer mon ouverture au monde. Là, c'était intrinsèquement. Mais c'était aussi un défi, évidemment, par rapport à ma famille, mais pour moi aussi, parce que j'étais sans cesse confrontée à la différence avec cet homme dont je me suis séparée après. Mais je continue à l'être avec mon fils, qui est quand même, évidemment, même s'il est métissé, il est quand même bien africain. Donc, cela m'oblige à, à être dans ma différence et être renvoyée comme telle à cette différence. Peut-être je me dis d'ailleurs en te le disant que il est au milieu de cet écart entre la représentation et l'intériorité. Quelque chose comme ça. Donc ça a été un grand défi pour moi, c'était vraiment... Et en fait, je pense évidemment pour ma famille qui ont accueilli, plus ou moins, en tous les cas, ils ont accueilli l'enfance à bras ouverts, le mari un peu moins, mais bon, je pense que ça les a mis au travail aussi. Oui. Écoute, ça me fait penser à une question qui est... ton rapport au pouvoir et au privilège. Sacrée question. Ça me laisse un peu muette, en fait. Comme si c'était un peu collé, pouvoir et privilège. Comme si c'était un petit peu... dont j'ai dû beaucoup batailler, d'ailleurs, de par le fait aussi de ma relation avec cet homme qui venait d'Afrique, même s'il vivait en France. Et donc, moi, venant aussi d'un pays qui avait colonisé ce peuple africain, je sentais comment je devais batailler avec cette idée que je pouvais avoir du pouvoir, pouvoir du blanc sur le noir. Je me sentais quand même en même temps parfois très privilégiée. Je me souviens qu'une fois, il m'avait dit, tu sais, la vie, c'est dur. Et à l'époque... Vous savez, il exagère un peu. Donc, et en même temps, en allant dans là, je me suis aperçue que oui, j'ai des privilèges, je me sens très privilégiée. Voilà, je ne citerai pas, mais évidemment, déjà d'être là en France, justement de ne pas être en Afrique, je connais bien les pays africains. De pouvoir penser, de pouvoir faire plein de choses, je me sens extrêmement privilégiée. Il y a un joli proverbe africain qui dit « savoir prendre ce qui est bon de la terre ». Moi, je crois que je sais prendre ce qui est bon de la terre, donc en cela, je me sens très privilégiée. Mais du pouvoir, j'ai cru que j'en avais. Justement, mais j'en ai pas. Et c'est très bien ainsi. C'est très très bien ainsi. Par contre, je pense que je suis assez puissante. Je pense que j'ai beaucoup de puissance, notamment quand je suis dans cette intégrité, dans cette vérité à moi et à l'autre. Mais du pouvoir, ça m'intéresse pas trop d'ailleurs d'avoir du pouvoir. De la puissance, ça m'intéresse. Par contre, j'aime bien. Ça me permet de construire, de bâtir, d'aller vers les choses, le monde. Sinon... Est-ce qu'il y a une situation au cours de ton exercice de gestalt-thérapeute ou en tant que patiente, mais quelque chose qui a été marquant pour toi en tant que gestalt, praticien ou client? Parce qu'on peut dire des gestalt clients. Quelque chose qui t'a marqué. Qui m'a marqué, quel que soit. Ah oui, alors marqué, d'une manière ou d'une autre, qui a été voilà, une expérience forte, je dirais. Hein, mais alors, elle n'est pas forcément positive, pas positive, enfin, j'en sais rien, ce qui te vient. C'est un souvenir important, majeur, peu importe la couleur de ces souvenirs. Je te dis ce qui me vient là, inattendu. Super, tant mieux. J'en ai deux situations, mais je vais prendre celle la plus vivante, qui amène à la vie. Il y en a une qui, c'est intéressant, parce que les deux qui me viennent, il y en a une de deux hommes d'ailleurs. Dans une co-animation où mon co-animateur a été d'une violence extrême qui aurait pu et qui a pu d'ailleurs faire effondrer l'environnement. Et l'autre d'un homme qui a plutôt donné de la vie. Donc je vais choisir celui qui a donné la vie. D'accord. L'événement. Mais c'est intéressant parce que ces deux. Mais oui. C'est vraiment toujours ces deux dimensions-là. Héros et Thanatos. Et alors donc le souvenir, c'est en tant que je suis à la fin de mon dernier cycle de Gestalt au hameau de l'étoile, où on est tous dans une machine à laver, comme tu as dû connaître, à la figue en plus. Donc à l'époque, c'était 4 semaines, je crois, mon souvenir. Oui, c'était long. Et là aussi, je vais le citer quand même, Daniel Grosjean, que j'aime beaucoup. À l'époque, moi, j'étais assez pudique, quand même, bon, assez réservée, assez moins dans l'ouverture. Et il citait, comme ça, il donnait des espèces de projections. Il envoyait comme ça, comme tu as dû connaître, j'imagine, à chacun d'entre nous. Et puis, arrivé à moi, il me dit « Bon, toi, je vais rien te donner parce que tu as l'air complètement fermée. » Et je lui dis non, enfin bon, ça va. Enfin, oui, tu as raison, ne me donne rien, ça va. Et il revient et me dit, ah si, je vais te dire quelque chose. Il me dit, sperme. C'est gonflé quand même. Oui, c'est ce que c'est bien ce que je connais de Daniel aussi. Et en même temps, je me dis, je suis gonflée de le dire, là maintenant. Et ça a été tellement une ouverture. C'est-à-dire que je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas raisonner à ça. Je ne peux pas me laisser indifférente. Une telle provocation. Une telle pénétration, je dirais. Que toute la nuit, après, il nous avait proposé le lendemain de donner quelque chose à partir de ce que lui-même nous avait donné. Je crois que d'ailleurs, ça a été extrêmement puissant. J'ai proposé, moi qui aime beaucoup la danse, j'ai proposé de danser devant lui de manière assez engagée et provocatrice. Et après, toutes les femmes du groupe se sont mises à danser avec moi. Et ça a été un moment extraordinaire. Je crois que la vie, la couleur, le mouvement, lui, il était épaté, je me souviens de sa tête. Ça a été un moment de grâce. C'était un éclair. C'était vraiment un éclair qui nous a toutes amenées à la vie. Très beau moment. Oui, ça me fait un peu frissonner et j'aime beaucoup ce moment de ces femmes qui te rejoignent. Oui. Et qui sort justement de... Tu vois, ça me refait penser que le risque aurait pu être repartir dans quelque chose de... Ça, c'est moi qui interprète, mais tu vois, du paraître, juste la provocation, mais arriver, comme tu le décris, quelque chose de tellement profond, de tellement au-delà des apparences, de quelque chose de la danse. C'est la danse des sept voiles telle qu'elle est à l'origine, qui représente la terre et l'univers, tu vois. C'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire que je ne pouvais pas ne pas aller chercher en moi quelque chose de puissant, d'aussi puissant d'une certaine manière que lui m'envoyait. Il fallait quand même y aller. Et comment cette puissance a emmené les autres, en fait. Et je crois que à partir de là, j'ai continué. D'ailleurs, j'ai emmené des gens en Afrique danser avec moi. J'ai emmené beaucoup de gestaltistes au Burkina danser avec moi dans des concessions africaines. Enfin, vraiment, ça a ouvert quelque chose de superbe. Mais justement, je voulais te demander, qu'est-ce que tu en as fait de la gestalt, hein? Tu es devenue gestalt thérapeute. Là, tu me parles des voyages que tu organisais, mais comment tu as... Qu'est-ce que tu en as fait de la gestalt pour toi? Alors, pour moi, j'en ai fait beaucoup de groupes, j'ai beaucoup animé de groupes. Je fais de la consultation individuelle, un peu moins maintenant. Maintenant, je fais beaucoup de formation et de supervision. Bon, c'est un peu un trajet un peu classique, je dirais. Et j'ai emmené tout un temps dans une concession africaine. C'est un stage qui avait été créé par Fernand Damblard avec son ami Mama Koyaté. Au Burkina Faso, dans un petit orphelinat du Burkina, à Ouaga. Et puis, un jour, je suis allée faire ce stage avec Fernande et les anciens, comme ils disent, du village, m'ont choisi pour continuer, puisque Fernande voulait arrêter, continuer ses stages. Donc, on partait, une vingtaine de... J'emmenais mes collègues gestaltistes et autres, d'ailleurs, dans cette concession. L'idée, c'était que l'argent du stage participait et nourrissait ce petit orphelinat. Et on restait une quinzaine de jours. On travaillait sur des rituels africains avec des Africains, des musiciens, Mama Kouyaté et puis moi. Mon regard plus corporel, mon regard autour de la danse et du corps, la dimension corporelle et l'engagement corporel avec l'autre et le monde. Donc j'ai animé, oui, 5-6 ans ces stages-là. J'en ai organisé un autre en Inde avec une collègue art-thérapeute. Voilà, j'ai un peu emmené en voyage. Maintenant, j'emmène plutôt en voyage intérieur. J'essaye de, par cette phénoménologie existentielle qui est transcendantale, voilà, j'emporte en fait. J'aime emporter. J'aime emporter, oui, c'est vrai. Les voyages, c'est de l'organisation, hein. Donc j'ai un peu mis en stand-by, puis comme je travaille beaucoup, enfin, j'ai pas mal d'occupations, mais j'y retournerai bien. Oui. Surtout autour de la danse, j'aime beaucoup danser. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être aussi dans cette danse africaine, justement, parce que j'ai beaucoup dansé pour paraître. Et la danse africaine est moins à cet endroit. Donc, il y a quelque chose de plus dans la terre, plus archaïque. Ça, du coup, ça m'invite à plus de profondeur, d'intégrité, toujours. Ça fait penser aux danses plus sacrées, ou la danse des soufis, la danse des sept voiles, telle elle était à l'origine, mais c'est des danses qui relient quand tu parles de transcendantal, hein. Absolument. Ouais. Qui viennent te chercher, hein, au fond. Le voyage intérieur, extérieur. Passionnant. Tu parles de cette travail avec Fernand Damblard, avec la personne que tu cites, mais que je ne connais pas, cette personne africaine. Est-ce que tu te sens appartenir à une communauté de statistes? Tu penses qu'il y en a une? Et si oui, est-ce que tu penses que tu en fais partie? C'est une bonne question. Ma famille d'origine est la Gestalt, je dirais. Là aussi, j'ai beaucoup voyagé, hein, puisque j'ai fait l'EPG, puis après j'ai fait Gilles de Lille, Canada. Je suis partie dans les premières promos. Puis après, j'étais avec Wella Franck. Donc je me suis baladée. Maintenant, je suis dans la phénoménologie, la design analyse, enfin. Il m'invite à plutôt déconstruire que à déformer, que à garder la forme initiale. Donc, je continue à être nomade à l'intérieur de cette communauté gestaltiste, mais bon, j'ai des attaches, j'ai des collègues avec qui le discours est plus ou moins facile. Il y a des moments, je ne me sens pas forcément accueillie, notamment là où je suis en ce moment. Puis avec d'autres, ça s'ouvre, c'est, je dirais, comme dans une famille. Mais je me sens, oui, je me sens gestaltiste. J'aime les gestaltistes. Justement, quand je regardais Humans of Gestalt, je trouve qu'il y a une telle palette de gens que c'est extraordinaire. Au fond. En cela, votre idée de Humans of Gestalt, c'est vraiment génial. On parle la même langue, mais notre langage est spécifique pour chacun. Bien sûr, on se comprend. On est tellement distincts les uns des autres en même temps. Ça, c'est chouette. Donc oui, je dirais que j'appartiens à la communauté gestaltiste, mais pas que. Je reste fidèle dans mon infidélité. Oui, hein. C'est ça, je me découvre en te le disant. Je reste. Peut-être que j'affirme plus là aujourd'hui que j'ai pu le faire. Oui. C'est ça. Oui. C'est réjouissant d'ailleurs de le lire comme ça. Oui. Pas toujours été aisé dans la communauté gestaltiste de dire, quand je faisais de la PGRO à l'époque, il y a quand même longtemps, bon, la PGRO, c'est pas de la gestalt. Hein. Entendez ça. Hein. Ah oui, c'était nouveau. C'était nouveau, c'était étranger. C'était pas l'Afrique, mais c'était autre chose encore. Est-ce qu'il y a des gestaltistes africains Alors, il y en a quelques-uns dans les interviews que Heather a fait. Tu peux aller voir. Et moi, j'en cherche, en fait. Ah, ok. J'en cherche. C'est pas très facile, en fait. Alors, je veux bien, avec un grand plaisir. J'essaie, puisque je m'occupe des pays francophones. Donc, j'ai essayé de regarder ce qu'il pouvait y avoir en Afrique dans les pays francophones. Enfin, nos ex-colonies, et c'est pareil, hein, c'est la même chose, c'est pas c'est glorieux, mais c'est quand même une réalité. Pour le moment, je sèche un peu, mais donc du coup, je serais ravie si tu peux m'aiguiller. Ah ouais. Oui, avec un grand plaisir. Et du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que toi, tu comptes faire? C'est quoi tes projets avec la Gestalt pour la suite? Est-ce que tu as des rêves, des envies, des projets, des... Une grande question, Béatrice. je pense que j'aimerais, alors je ne sais pas si je vais le réaliser, mais je. Et puis on me sollicite à ça, je crois que j'aimerais écrire quel gestaltiste je suis aujourd'hui. Voilà, justement, après avoir voyagé dans les différents pays de la Gestalt, quelle est ma forme aujourd'hui? Comment j'exerce? Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me chercher qui sont intéressés par ma posture, hein, que j'affine de plus en plus. Je presse presque dire mon art. Oui. Hein. Là, je sens bien que j'ai une manière singulière aujourd'hui de travailler. Que ce que je transmets est quand même très singulier. Et je crois que j'aimerais l'écrire. En tous les cas, là, j'ai l'opportunité, parce que je suis de plus en plus invitée par l'école de Haut-Labandelot, les FFP, à intervenir chez eux. Et puis, je suis sollicitée à intervenir à droite à gauche. Donc, j'essaye d'avoir vraiment de transmettre cette disposition intérieure qui est pour moi une ouverture exceptionnelle au monde. Donc j'y travaille, je trouve que je ne suis pas encore suffisamment aboutie, mais je suis en chemin. J'aimerais pouvoir vraiment en affirmer quelque chose, vraiment, vraiment. Je suis convaincue de ce travail précieux qui est issu des philosophes, mais je trouve que j'arrive à bien, je dirais avec beaucoup d'humilité, hein, mais à saisir quelque chose, à l'incarner en fait, c'est ça. Que j'arrive à l'incarner. Donc ça, c'est réjouissant. Oui, je me dis que c'est pareil, j'imagine, pour un artiste. Donc quand tu sens que tu es au bon endroit, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui tu dis, mais c'est ce pourquoi je suis là, non? Moi, j'ai une sensation très physique quand je sais que c'est juste. Je suis comme un diapason. Il y a quelque chose où vraiment physiquement, je vibre, ça me fait presque trembler. Ouais. Et je crois qu'il y a quelque chose, pareil, je pense que tu as raison, c'est quand nous arrivons dans un plein contact, à cette ouverture, il y a quelque chose de cette ouverture des frontières et de cette union, cette communion, quelque chose qui nous dépasse, mais qui sont comme deux sons parfaitement harmonieux. Ils ne sont pas forcément le même timbre. Des fois, c'est presque pareil. Ça peut être un unisson ou ça peut être une harmonie, mais il y a quelque chose, je trouve, qui émane de ça, qui est ça. Juste. On entend que c'est juste, on sent que c'est juste. Ouais. Et là, il y a vraiment, vraiment quelque chose de l'ordre de l'ineffable, du bonheur, de quelque chose de très, presque, moi je trouve, oui, transcendant, transcendant. Presque spirituel, qu'il y a quelque c'est chose. C'est même ce mouvement, quelque chose qui jaillit, quoi. Ça, c'est ça. Ça. Ouais. Oui. Donc j'aimerais pouvoir. J'ai vraiment pas beaucoup de temps, c'est ça le problème de dans l'écriture, ça demande du temps. Mais j'imagine que je le prendrai à un moment donné ou à un autre. Ça, j'aimerais transmettre cela. Pour le moment, en tous les cas, j'ai l'opportunité de le transmettre et de. Et peut-être si un projet qui se dessine, c'est d'aller dans le monde du travail aussi avec cette dimension-là. Ça, oui, voilà, d'impacter. Je me souviens, alors, il y a un homme voilà, qui m'a beaucoup aussi, qui m'avait inspirée, c'était Joseph Zinker. Ah oui. J'avais fait des stages. Ah oui. Oui, et je me souviens qu'il avait, il nous avait dit notre devoir, c'est d'impacter le monde. Et ça a résonné. J'ai envie de continuer d'impacter le monde, plus encore que je ne le fais. Voilà peut-être mon ambition. C'est d'impacter le monde plus encore que je ne le fais. C'est mon engagement. L'engagement que j'ai envie de soutenir. Mon engagement à la vie, au monde, aux humains dont je fais partie. Voilà mon ambition, le projet. Oui, c'est un beau projet, puis ça me rend très curieuse quand je t'entends. J'ai plein de questions, mais je les garde pour après. Et je pense que ça va être ma dernière question. C'est justement, qu'est-ce que toi tu souhaites pour la Gestalt en général? Comment tu envisages le next? Le next pour la Gestalt thérapie? Ton souhait, ce que tu vois, ce que tu espères? Je trouve que c'est très intéressant notre dialogue aujourd'hui parce que vraiment ça parle de frontières, de circuler. Le rappeur se disait vivre à la frontière, j'ai dit circulons, surtout en ce moment où les frontières sont. Mais osons circuler. Je trouve que c'est réjouissant ce que vous proposez hein, là dans ce Humans of Gestalt parce que c'est de ça dont il s'agit. Circulons dans nos différences, dans nos, n'en parlons pas, mais vivons-le, vivons ces transversalités, ces transcendances aussi. Traversons, transformons, translatons, comme on dit en phénoménologie. Vraiment, traversons, laissons-nous traverser. Ne demandons pas que à l'autre de traverser, mais traversons nous aussi. Voilà ce que je pense qu'il y a plein de richesses et de créations, d'ouvertures qui se font, qui se donnent. C'est comme ça qu'on a commencé notre vie, hein, la visio, le monde, les pays, les langages. Traversons. Traversons et transformons. C'est joli de finir comme ça. Oui. Je suis ravie de te le dire à toi aussi. Bah oui, je l'entends, tu sais, ces interviews ne me laissent pas indifférente. Moi, je suis très nourrie. Je sais ce qui va. J'ai déjà une idée de ce qui va pouvoir rester de tes mots et puis aussi de l'atmosphère. Mais en attendant, est-ce qu'il y a quelque chose, une question que je ne t'ai pas posée auquel ? Quelque chose que tu aimerais dire, quelque chose sur lequel tu aimerais revenir maintenant qu'on a fait tout ce chemin ? Non, je ne crois pas. Non? Peut-être j'ai lu, je crois, chez les Grecs que métis voulait dire sagesse. Et ce qui me vient, c'est de justement de continuer. Il y en a qui parlent de tisser, mais moi, je dirais continuons à métisser ensemble. Voilà, ça je dirais. Et je vais continuer moi aussi à essayer de métisser. Des fois, ce n'est pas toujours aisé. Voilà, je crois que je peux terminer comme ça. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ce chouette moment. Merci à toi, Béatrice, de ce chouette moment. C'est avec toi que je dis ces mots. Hein. À Eh bientôt. bien, à bientôt alors. Je vais éteindre maintenant. OK.